des musiques urbaines sur la scène montréalaise, la 12e édition du festival Meg Montréal, présentée par Mirror, revient cet été du 29 juillet au 1er août avec une programmation des plus alléchantes. À l'affiche, plusieurs soirées exceptionnelles, dont une virée inoubliable sur le fleuve Saint-Laurent à bord du Tony Truant Meg Boat. Venez découvrir des talents locaux des plus prometteurs et des artistes récemment consacrés sur la scène internationale, dont plusieurs premières canadiennes. Sautez sur une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des artistes comme Blackstrobe, Holy Ghost, Birdie Nam Nam, de Joan McLean DJ Set, Black Devil Disco Club et bien d'autres encore sur megmontréal.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Les disques Nuit d'Afrique présentent la compilation 2010 du Festival international Nuit d'Afrique. Pour un avant-goût de ce qui vous réserve la 24e édition du festival, procurez-vous ce nouvel album composé de morceaux choisis d'artistes de renom qui fouleront prochainement les scènes des Nuits d'Afrique. Entre rythmes traditionnels et modernes, découvertes et mégastars de la musique du monde, savourez l'originalité et la richesse des œuvres retenues. La compilation 2010 du Festival international Nuit d'Afrique, le souvenir intemporel d'un événement unique. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle de bacon, d'évasion, de bande parc et de village people. Vous êtes à 70%. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Allô? Hey, ça, on en fait des affaires à checker. Puis là, il y a le porn animé allemand qui fait le corpus de notre soirée de visionnement qui est en train de transférer sur ma carte USB qui contient 8 gigs et que j'ai acheté 14$ et qui ressemble à un skateboard. Ça cache pas le fait que les porn animés allemands, c'est probablement du moins neuf. C'est du gros matériel à soi. Puis pour faire contraste, j'ai amené Sailing England by the Pound comme trame sonore de fond parce que je pense que c'est pas mal un de mes albums de musique préférés. Là. Tu dis ça à chaque fois. Ouais. Mais ça, c'est vrai. C'est à chaque fois que je parle de lui, tu sais. rendu là, il y a Kate, il y a Israël, il y a Evelyne. Hello. Toi, Israël. Toi, Kate, tu vas nous parler de quoi, là? Ce soir, moi, je propose une chronique sur Facebook et la mort, en fait. Eh boy, les deux qui se mélangent le mieux. Evelyne, toi, t'es là pour nous présenter Monsieur Dame, c'est ça? Ben oui, j'ai invité des amis à la radio, Louis puis Fabrice, du band Messieurs Dames, qui vont nous jouer des tunes. Et voilà. Puis je vais vous raconter une anecdote de voyage que j'ai vécu cette semaine. Incroyable, ça va brasser en sapristi. Puis toi, Israël, Final Fantasy VIII? Ben, je vais poursuivre mon dossier sur Final Fantasy VIII. Je vais recommencer au début parce qu'on sait que le PlayStation 2 efface les cartes mémoire de PlayStation 1. Ouais, ça, c'est une leçon de vie à la dure. Je vais parler d'une aventure fantastique dans un collège fantastique. Avec des gens fantastiques. Des gens fantastiques. Son amour fantastique. Comme Julien Bernatchez, fantastique. Ouais, cette semaine, j'ai un dossier apaisant sur Ricochet. Ah, oh, Ricochet, t'es allé... Ben, c'est ça, ma première fois que je suis venu ici, tu m'avais commandé un dossier sur Ricochet. Ouais, puis, moi, c'est... Je voulais pas le botcher, je l'ai pas fait. Là, je l'ai botché, finalement. Et hey, puis, d'ailleurs, on va en parler, on va peut-être un petit peu booker ça tout de suite, là, les booktouches, là. Oui. C'est... j'ai réessayé tantôt encore deux fois, chacun. Puis, tu sais, je dis, je prends 20 minutes, j'arrête. Là, je réessaye, je me lance, là, je suis plein d'une bonne volonté, là, je vais aller finir, c'est sûr, à un moment donné. Oui, ouais, moi, je suis traîne dans mon salon de Noël à juillet, jusqu'à récemment, puis j'ai pas, j'en ai lu moins un. Moins 0.35, c'est incroyable comment c'est néant, là. Aïe, aïe, aïe. Bruno, bonjour. Salut. T'as traîné ta muse? Oui. Salut, muse. Ouais, c'est ça, c'est ma muse. C'est celle à qui je dis, va jouer plus loin, là, je suis en train de faire mes nouvelles. C'est ça, là. Voilà. Tu faisais nard avec ta blonde. C'était plate. Et puis, ben, il y a Louis puis Fabrice là-bas. Là. Salut, les gars. Salut. Puis celle-là. On va poser des questions. Puis tout, là, pour l'instant, on va commencer avec la chanson que Evelyne m'a demandé de mettre. C'est la numéro 9. OK, ouais, juste que je la présente un petit peu, c'est un de mes amis du lac aussi, Nicolas Laflamme, qui est un ami très cher, qui a déménagé en Chine il y a une couple d'années, puis là-bas, ils se sont ramassés une gang de punk crottés, puis ils ont un band de bluegrass en Chine. Ah oui? Ouais, le Québec Redneck Bluegrass Project. Puis ils ont fait une petite tournée. En fait, j'en parle trop tard, leur dernier show, c'était hier. Fait que ils vont venir l'année prochaine. Fait qu'en attendant, on écoute le Québec... Redneck Bluegrass Project. Je suis bien plus cool, ça brosse. Et voilà, c'est fait. C'est à 70%. On vous revient tantôt, là, après... Quebec... Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans la moindre goutte d'eau. Depuis ça m'a mandatisé de tabac d'orchestre. Parmi les jobbers, c'est mon extraterrestre. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans tabac. Parmi les troqueurs qui traversent la toundra. Je suis l'ange en blanche, mais aux cheveux gras. Survie mais le X, c'est que c'est bien plus plaisant sous... Je survis, mais voilà là, c'est que je suis bien plus cool, ça brosse. Je suis bien plus cool, ça brosse. Moi, ouais, je suis bien, moi, ouais, je suis bien. Je suis bien plus cool, ça brosse. Ça, c'est ça prend le désert du Sahara. Ça, c'est ça prend un coin partout dans tout le droit. Ça, c'est ça prend un camp à sec dans le bois. Ça prend un cerf polaire pour me slaquer de boire. Je ne vais pas aller par la personne. Non, quand je suis pas chaud, j'ai pas de fun. Non, tu ne vas pas aller par l'Ogonce. Moi, non, file une couple d'onze, ouais. Mais moi, deux, trois gosses, ça traîne en avant. Moi, t'en parler, la petite beau temps. Moi, en avoir des affaires à dire. La vie à dire sur tout. Et les tons s'élèveraient dans le camp. En boiront bizarre dernier service sous le soleil de plomb. Et les poings s'abattraient sur les tables, comme à l'ave. Oui, les poings s'abattraient sur les tables, comme à l'habitude. Parce que je suis bien plus cool. Ça brosse, moi ouais, j'suis ben, moi ouais, j'suis ben. J'suis ben plus cool, ça brosse. Moi en plus j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif en malade. Oui j'ai soif, oh j'ai soif. Oh j'ai soif en malade. Aujourd'hui que je survis sans la moindre goutte d'eau de vie. Sans ratiser de ta voix d'orchestre. Parmi les troqueurs, c'est moi l'extraterrestre. Ça fait 21 jours aujourd'hui que je survis sans tabac. Parmi les troqueurs qui traversent la toundra. Je suis l'ange de l'en blanche mais au cheveux gras. Survie mais le X que c'est bien plus plaisant sous. C'est bien plus plaisant sous. Je survis mais voilà la vie que je suis bien plus cool, ça brosse. J'suis bien plus cool, ça brosse. Moi j'suis bien. J'ai soif, ici François-Xavier. Olivier de Soleil Noir qui remercie Choc FM et 70% et leur bande de mutants. Ici Vincent Lemitivierge et Maud Cicciarello du groupe Les Belvédères. Vous écoutez 70% la meilleure émission. Ah oh, ben c'est nous autres ça. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors, un homme de 49 ans faisait cuire du bacon sur le poêle de sa maison de South Bend en Illinois quand son beau-frère de 47 ans a affirmé que la casserole utilisée était la sienne. L'affirmation mena à une dispute. L'homme qui cuisinait a alors coincé son beau-frère dans le garde-robe et lui a versé de la graisse chaude dessus. Le beau-frère a alors enlevé la casserole des mains de son assaillant, lui a sonné 2 coups à la tête. Le cuisinier a été transporté à l'hôpital, a reçu 11 points de suture avant d'être arrêté pour voie de fait, mais son beau-frère, qui a souffert de brûlures au troisième degré aux mains, a décidé de ne pas porter plainte. La police a affirmé avoir trouvé 2 tranches de bacon dans le garde-robe. J'ai aimé ça aussi quand t'as dit cuisinier, Bruno. Cuisinier, hein. C'était mon lapsus de la soirée. C'était un mot qui avait bien de l'allure, vu que c'était son cuni machin. Son bacon, cuni. Son mot, t'as mis ce touche. Allez, vas-y, mon gars, pense d'accord. À lui. Une enquête menée par des journalistes pakistanais a dévoilé que plusieurs membres du Parlement seraient titulaires de faux diplômes d'études supérieures. Depuis cette découverte, des centaines de membres du Parlement ont dû soumettre leurs qualifications à une commission d'enquête pour fin de vérification. Plusieurs politiciens ont critiqué les journalistes affirmant qu'ils souhaitaient déstabiliser le gouvernement et espéraient des élections prématurées. Nawab Muhammad Aslam Rajsani, ministre en chef de la province de Balochistan, a affirmé « un diplôme est un diplôme, qu'il soit faux ou authentique ». L'Assemblée de la province de Punjab a passé une résolution condamnant les médias pour avoir publié l'article, une décision qui a déclenché des manifestations de journalistes à travers le pays. L'Assemblée de Punjab a dû se rétracter et offrir des excuses formelles aux journalistes, reconnaissant que leur rôle était primordial dans le bon fonctionnement de la démocratie. Ben, j'espère. On devrait avoir un nombre exact de politiciens avec des faux diplômes vendredi prochain. Je reviens là-dessus. C'est quoi qu'il a dit, le gars? Il a dit un diplôme est un diplôme, qu'il soit faux ou authentique. C'est comme vrai, presque. C'est comme Frencher sa sœur en dessous d'un gui au jour de l'an. Là, c'est ça. C'est vraiment niaiseux. Hey, Kate, vas-y, lance-toi, on va parler à Monsieur Dame. Oui, j'ai la définition de Monsieur Dame, pardon, en fait. Monsieur Dame, nom masculin, féminin, pluriel. Un quatuor dynamique qui ose depuis 2008 se prêter à l'irrésistible vice du rock, et ce, en tentant de rendre crédibles et accessibles certains styles musicaux qui ont souvent été victimes de préjugés par la masse. Deuxième définition, fruit d'un losange amoureux, où le rock, le country, le folk, le métal lourd et les mélodies ambiantes font très bon ménage. Définition 3, qui défie les lois de la pesanteur, planer doucement pour ensuite se faire projeter, clouer brusquement au sol. Définition 4, enveloppe textuelle très imagée, parfois provocatrice, poétique, grasse et jolie, qui relate de façon vague ou précise les biens et méfaits de la vie. Définition 5, Fabrice Boutin, Christian Allard, Louis Bouchard et Jonathan Beaumont sous un sceau de fraîcheur garantie. Définition 6, alternative parfaite pour les hommes et les femmes, qu'ils soient célibataires et ou en couple, méchants et ou gentils, tristes et ou heureux. Fabrice Boutin à la guitare et à la voix. Louis Bouchard, guitare et voix. Et on est chanceux, c'est eux autres qu'on a avec nous. Nomme pas les autres. Il y avait qu'à être là. Ouais. Il y a Christian Allard aussi qui a décidé qu'il n'était pas là, qui fait la basse habituellement. Et Jonathan Beaumont à la batterie qui nous a aussi faussé compagnie. Donc, on ne les salue pas. Ils ne sont pas au courant pas en tout. C'est une surprise. Oh. C'est un cadeau qu'on lui fait à soir. OK, fait qu'on peut les saluer quand même. Ils peuvent nous appeler, on a des bouquets de Nissan Sentra. 987-3000, poste 1610, c'est comme d'habitude. Hey les gars, bonjour. Salut, bonjour. Vous venez d'où? C'est quoi? C'est le Festival Off de Québec qui a fait qu'Evelyne vous a rencontré puis qu'elle vous a dit faut que vous veniez à Montréal? Là? On est des gars du lac, je pense. OK. On se connaît déjà. Lac Saint-Jean en Ouest. On vient tous de l'Ouest, hein? Mm. Ah, la pointe ouais. bleue pis tout, là, l'avion de nazi. C'est pas mal ça. Ah, pas loin. C'est, il dit. Puis depuis quand vous faites de la musique ensemble, là, les questions usuelles? Là. Ah, ah. Ben, moi pis Louis, on a commencé à jouer de la musique, là, 2-3 ans avec Tremblay 73. Je jouais de la batterie, puis lui, ben, il jouait de la bass. Oh boy! Puis là, vous avez décidé d'évoluer pas mal ce que vous jouiez, ouais. pareil. On a changé d'instrument. On est rendu à la mélodie et à la voix, ça, c'est... Exactement. Et puis, vous avez rencontré les deux autres, c'est tout du monde du lac, ça? Ben alors, Christian Allard, de son nom, ben ça, c'est un gars avec qui je joue la musique depuis que j'ai 12 ans, peut-être. Là. Okay. Vraiment longtemps. Puis Pognard, Jonathan Beaumont Pognard, ben lui, c'est plus Louis qui l'a connu avant. Il jouait avec Peter Paul avant. Pognard, c'est cool. C'est vraiment, son nom de moteur, ça, Pognard? Ouais, c'est Pognard Beaumont. Pourquoi j'en ai pas de nom de même? Ouais, Pognard, c'est cool. Moi, j'en ai un, c'est Bar à Clou. Il est plus natif de l'Est du lac, ce gars-là. C'est un petit almatois. J'ai une question. Ben, vas-y. Pour ou contre le reggae? Le reggae? Ben... Moi, j'haïs ça, sérieux. Ah, cool! Bienvenue à l'émission. Fait aujourd'hui. Invité! Bon. Fait que là, les gars, vous allez nous chanter quoi en particulier? On fait doucement. Doucement. Doucement. On va la faire doucement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, comme en plus First of Fifth vient de finir, on va vous écouter faire doucement. Ben, beau ça. C'est monsieur dame. Thank you. ça. Ah. Hey. Invité! Invité! Invité! Invité! Merci, merci. Hey, bon travail, les gars. C'est pas mal soothing, ça. Là. C'est quoi le bon mot en français pour vouloir dire ça? Apaisant. Ah, c'est ça. Suitable. Suitable. Excellent, c'est culturé tout partout. Ah, il cherchait une petite affaire pour comme prendre une pause avant d'aller vers la prochaine chronique d'un de nos prochains collaborateurs. Je pense que cette petite affaire-là, ça va être le début ici de « I know what I like ». On va essayer de s'en... Mais par contre, je pense que nos amis ne peuvent pas rester avec nous toute l'émission. Fait que si on veut les blaster de questions, il faudrait le faire tôt. C'est vrai, est-ce que je me trompe? Oui, il faut qu'ils partent pour E40. Ils vont en faire une autre tantôt. Là. Okay. Là, on va écouter juste le début de « Ceiling », en fait, de « I know what I like ». Puis après ça, ça va être Israël, vu que c'est lui qui vient de parler. OK. C'est simple. On va parler de Final Fantasy VIII. Est-ce que c'est bon, ça? Vous voulez vouloir de parler de Final Fantasy VIII? Pas mal. Ça va être débile. Final Fantasy VIII, complet. It's 1 o'clock and time for lunch. When the sun beats down, I lie on the bench. I can always hear them. Bon. Donc, je recommence Final Fantasy VIII. Je laisse où ce que j'ai raconté. Le livre, le chapitre 2 de mon livre, ou 1.1. Final Fantasy VIII, c'est un peu moins. Des fois, il chie dans la pelle. Donc, je recommence au début, puis tu sais, c'est pas pire parce que tu vas au collège fantastique, puis là, t'as des amis fantastiques. Puis, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que le collège s'appelle le Garden, en français jardin, puis l'unité militaire spéciale du Garden, c'est les Seeds, en français les graines. Donc ici on a des graines qui essayent de tuer une sorcière, des graines fantastiques. Pour ne pas, c'est pas peu dire. Alors on commence, on est en training militaire pour devenir des graines. Parce qu'au début t'es pas vraiment une graine. T'es pas encore une graine, c'est okay. Ça. Puis T'as l'entraînement pour devenir une graine fente. J'ai pas eu le temps parce que j'étais parti à Wout la fin de semaine. J'ai pas écrit mon texte, mais j'ai mon player guide ici qui va me suivre de walkthrough pour ma chronique. Alors, on commence. Puis il y a la petite Selfie Timlit, une autre étudiante de l'âge à Squall Leonard, qui lui demande « Est-ce que tu peux me faire le tour du collège de graines? » Non. Fait là, tu peux lui dire « Yes » ou « Whatever ». Tout le temps. Mais si tu lui dis oui, yes, t'es pogné pour faire le tour, puis c'est long, fait que j'ai dit non. T'as dit whatever. J'ai dit whatever. Non. Whatever, ça veut dire non. Ouais, non. C'est ça. Ou ça veut dire je m'en crisse pas mal dans ce jeu-là. Puis à chaque fois que tu réponds whatever, ça change pas le cours du jeu, tu sais. Il y a pas comme... si tu réponds whatever tout le long, tu gagnes pas genre 100 levels. Là, ouais, c'est pas comme un secret lié à ça. C'est une réelle attitude que tu peux démontrer envers l'histoire que les scénaristes ont montée. Et voilà. Et voilà. Donc, après ça, tu peux sortir avec ta professeure qui te dit « Mais tu n'as pas encore cherché le saumon et frites. Tu n'en as besoin pour ton examen de cet après-midi. » C'est quoi? C'est une métaphore pour essayer de pogner des boules, ça? Ou... en tout cas, il n'y a pas vraiment de boules qui se pognent. Non. Whatever. Whatever. Pas comme dans God of War. Pas comme dans God of War. Effectivement. Donc, tu sors dehors, tu t'en vas passer ton premier test qui est d'aller chercher Ifrit. Parce que tu en as besoin pour monter tes levels. Puis d'ailleurs, elle va t'expliquer comment... Puis à Final Fantasy VII, si on se rappelle, pour le système de matériaux, il disait « Est-ce que tu veux que je t'explique le système de matériaux? » Là, t'avais le choix de répondre oui ou non. Si t'avais déjà fait le jeu une fois, t'avais juste à répondre non puis continuer à avoir du fun. Mais ici, dans Final Fantasy VIII, une régression vis-à-vis de tout ce système-là, c'est que tu peux pas choisir de dire oui ou non. T'es obligé de te taper l'explication, même si c'est comme moi, c'était la 17e fois que je recommençais à essayer de devenir une graine fantastique. Après, t'as dit fantastique, on pourrait dire fente, comme plus rapide. Une graine fente. Donc, tu vas chercher les frites, ça va bien. Puis t'es checké là, pendant que tu vas chercher les frites, il y a du monde qui te vont donner... Never forget, you can always push R... One and L1 to flee combat. What? Doing so will make you lose your precious gill. But then, sometimes, somebody wise must... continue. Puis si tu pèses sur erreur en même temps que tu fais plus fort dans celle-là. Mais juste avec Squall. Hmm. C'est plate un peu. Parce que ça demande ton attention pendant les batailles. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, t'es monitoré. Fait que si tu le fais en trop longtemps, le test des frites, tu vas avoir un moins haut Parce que quand tu deviens une graine, t'as un level de graine. OK. Puis plus que ton level de graine est haut, plus que tu reçois une grosse paye de graines. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on sait très bien que les monstres ne donnent pas d'argent dans Final Fantasy VIII. Donc, je poursuis. Après avoir été chercher Ifrit, bien sûr, le premier summon, on s'en va faire le field exam sur lequel t'es noté. Fait que si tu parles à du monde dans le village, tu perds des points, genre. Mais ça, tu le sais pas si tu lis pas le player guide. Non, ouais. Ou bien le walkthrough sur Internet, t'sais, ils disent pas avant, si tu parles à du monde, tu vas perdre des points. Ouais, là. Ouais, c'est vraiment une histoire de... C'est comme le contraire de ce qu'ils nous ont habitués depuis le début. Ben oui, c'est ça. On allait dans le château du premier roi dans Final Fantasy 1, puis il y avait comme un bonhomme qui était caché, invisible à quelque part, puis c'était supposé être le luxe. Puis là, il faut plus que tu lui parles. Chris. Colin, traînez des pans. Ben là, c'est comme, le monde à la grande ville, là, ne parle même plus, c'est rue. Là, je poursuis. Fait que j'ai réussi avec brio ce test-là, puis j'ai suivi mon player guide à la lettre avec mon game fact ouvert sur mon laptop à côté. T'as été Mighty Grain the First. Fait que là, il y a un personnage fatigant qui arrive en jeu, c'est Zeldinch. Ça, c'est un gars du village, tu sais, il a des tatous dans la face à 17 ans. Puis c'est ça, il est vraiment fatigant, puis il parle juste de manger les hot dogs de la cafétéria, puis c'est comme le comic relief de Final Fantasy VIII. C'est Jughead, maintenant. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive pour pas qu'il puisse manger les hot dogs à temps, tu sais. Oh, yeah. Ah, c'est... ça doit être cocasse. Ouais, puis il énerve vraiment, fait que je me suis badré d'y répondre whatever à tout ce qu'il me posait comme question. Squall, let me see your gun blade. Whatever. Tu sais, puis il continue tout le temps. Ouais, c'est ça. Va te faire des amis, hein. Après le test, je réalise que je deviens une graine. Je suis promu au rang de graine. Puis là, il y a une cinématique incroyable où ce qu'on rencontre la fille que Squall va être pogné dessus plus tard dans le jeu, mais en tout cas, on catch pas trop. C'est comme un bal, puis là, il danse. Ça fait lisser, là, jusque-là, on suit. Hein? Ouais, c'est ça, c'est très lissé. Puis là, après ça, j'apprends que je peux jouer aux cartes. Pendant tout le cours du jeu, je vais pouvoir jouer aux cartes. Et je ne vous mens pas, j'ai réussi à pogner toutes les cartes de collection de Final Fantasy VIII. Oh. Attention, répète-le, là, parce que ça, il y a des fans en France qui sont en train de pas le croire, ça. J'ai pogné toutes les cartes de collection de Final Fantasy VIII. OK, là, ça, lève ta main, puis répète-le. Ta main droite, c'est ça. La main, c'est la Bible, ouais, sur mon player guide de Final 8. Ou sur ta bite, là. Non, sérieusement, mais ça, je vais vous le raconter plus tard, mais pour jouer aux cartes, c'est un peu plate. Juste un peu, hein? Ouais, c'est ça, tu t'en vas. Puis à place de parler au monde avec le piton X, faut que tu lui parles avec le piton carré, puis ils te disent « So, you wanna play cards? » Whatever. OK, ouais, mettons tout le long du jeu, là. T'arrives en avant de quelqu'un. D'un PNJ, ouais. C'est comme si tout le monde jouait aux cartes Pokémon dans notre monde, puis ouais, tu pouvais provoquer n'importe qui avec des en cartes duel. Pokémon. En duel. OK. Puis là, il y a des règles, là. Puis là, ils disent « OK, dans ce région-ci, on joue avec les cartes random, là. » Tu sais, « Ah, fuck! » Dans ce région-ci. Ouais, ouais. Hey, moi pis ma gang de motards, on joue aux cartes random. As-tu vu, j'ai pogné la sirène. Fait que t'as comme des cartes common, puis t'as des cartes rares, tu sais, que tu peux juste pogner à un personnage dans le jeu ou à une occasion. Oh! Puis comme Simon Chénier dirait, ce que j'ai appris en jouant aux jeux fantastiques, mettons, dans le monde fantastique... N'importe quel pire moment est encore propice à jouer aux cartes. Donc, t'es sur la base de dans l'espace, c'est sur le bord de sauter, puis tu peux jouer aux cartes avec quelqu'un. Tu prends un petit temps, vieux de cœur. Tu prends le temps. Donc, j'ai quasiment fini pour aujourd'hui, là. Je vais y aller. Ben, c'est quand même le premier donjon, puis t'as fait toute l'introduction. Ah, j'ai fait je suis rendu à 7 heures de jeu, à peu près, là. Et Chris, puis t'as appris que tu pouvais jouer aux cartes. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi, donc je rentre, j'ai mes résultats d'examen, puis si je veux augmenter mon level de graine pour devenir une meilleure graine, je peux faire des tests écrits. OK. Fait que tu t'en vas dans ton menu, ouais, tu vas dans ton menu, puis là, tu vas dedans, seed exam written test. Puis là, ça te dit, est-ce que la bombe est un monstre élémentaire de feu, oui ou non? Est-ce que si tu te mets glace sur ton... Merci beaucoup, Israël. On va y revenir la semaine prochaine, c'est sûr. Parce qu'on va transférer tranquillement. Moi, j'ai amené des bouts de porn animé. Veux-tu partir ça, Bruno, puis virer ton ordi pour que tout le monde le voie? On va avoir comme ça les commentaires de nos amis Fabrice et Louis. Après, on va écouter une autre de leurs chansons, puis après ça, je parlerai un petit peu... des excellents porn animés qu'on s'en va écouter au brouhaha ce soir. Est-ce que tu as une idée où est-ce que je devrais le partir? Ou à 2 minutes du début, même. Lequel? Celui du pas du sultan, là, il y a... Le médiéval. Ouais, c'est ça. D'accord. 2 minutes du début. Un petit peu. Je vais sauter l'intro. Là, ouais, c'est vrai. Moi aussi, il faut que je le parte pour qu'on aille l'audio. Hein. Parce que, tu sais, c'est logique. Fait que... Ouh... OK. Fait que... Tiens. Et voilà. On va se tourner. Ah, les couleurs sont belles. C'est parti, là. Ouais. Pas rien que les couleurs. Oh. Auf Don Möschens Wohl. Der Kühn Töchterlein, Don Möschen soll ihr Name sein. Einst soll sie Bumsiland regieren und jedermann soll onanieren. Là, là, vous passez des commentaires. Là. L'important, c'est que vous remarquiez qu'il y a un métier à tisser. Et que là, ça soit rendu... Ça, fait... ça, si je comprends bien, c'est comme la naissance de la princesse, là? Je pense que oui, c'est ainsi que la princesse fut conçue. C'est en allemand, hein? Conçue ou bien c'est le banquet de sa fête, genre? Ah, ouais, je pense que c'est le banquet de sa fête, ouais. C'est quelle princesse, au juste, celle-là? C'est la Belle au bois dormant, je pense. Ouais, ah, ou l'autre, là. La... Mais c'est l'allemand qui est mêlant, on comprend pas tout ce qu'il dit. Ah, le fou du roi avec son gros pays. Ah, mais Evelyne, c'est quoi l'allemand? Elle pourrait nous le dire. Alors, faudrait monter le volume, mais tu sais, c'est pas nécessairement. C'est assez que Jürgenfrist, ça veut dire yogourt glacé. Hey, OK. Misez sur la face de zombie de la fille. Elle a aucune expression depuis tantôt. Elle fait juste lever sa jambe puis la descendre. C'était pas là qu'on pas regardait. HD 30, c'est-tu comme l'ancêtre du WD 40? On regardait son sein qui devient plus gros parce que le pénis rentre tellement loin dans le vagin qu'il pousse l'intérieur du sein. Ah, ça, c'est le moment à Klaus que je voulais peut-être montrer. Là. Il y a un bébé d'impliqué, là. Ben, c'est les trois marraines gentilles qui donnent des cadeaux. Les fées marraines. Dans le conte, ils sont supposés lui apporter la beauté, la grâce et l'intelligence. Puis sont-tu habillés dans le conte? Oui. C'est-tu expliqué? C'est pas précisé, par contre. OK, c'est pas précisé. La sorcière méchante. Fait que c'est une... Ça, c'est la marraine méchante. Elle a des pics au bout des tatons. Ouais. Mais en fait, elle a maudit juste parce qu'elle a pas été invitée dans le conte. C'est sa raison pour la maudire. Mais là, il y en avait une qui avait pas passé encore. Ils ont parlé de dormir. Ils ont parlé de dormir, là? Dors bien, tu auras de la magie. Non. Au calvaire, OK. Ah, c'est la lune du bébé! Oh non, voyons donc! Et voilà, on a eu le... Ben, oh non, voyons donc, il y avait un bébé et une tétine d'impliqués. Là-dessus, ça va être fabuleux. On va aller écouter Fabrice et Louis... Nous, d'habitude, on demande à nos invités, à la fin de l'émission, quand on sait plus trop quoi faire dire, de nous faire un indicatif. Mais là, comme vous avez décidé de partir à 7h40, puis ça nous fait tellement de peine, à la fin de votre tourne, là, dans le fade-out, là, dites on est Monsieur Dame, puis on écoute 70%, mettons. On va essayer d'y passer. C'est bon, sinon vous pouvez parler de Guimauve, de n'importe comment, dans l'ordre que ça vous tente. On écoute quoi, celle-là? Là? Ça n'a pas de titre, là. Mort dans un bar. Misère en calvaire. On vous starte ça? Ben go, mon gars! On va avoir besoin de... On est tuné pas mal à 50% jusqu'à présent. C'est bon! Thank you. Salut, ici Fabrice, on est à l'émission 70%, 70% détuné. Yeah! Ah, bon travail, les gars, c'est encore une fois apaisant, bien satisfait, moi, ben, je vous reviendrai à un moment donné, là. Ben ouais. Plein de fausses notes, mon ami. Ah ouais? Ah, ça nous a fait plaisir de nous faire ça à 70%. Là. Ça, c'est parfait. Nous autres, on n'a pas applaudi par pitié. Là, hein? Non. C'est ça. Okay. Mais, merci pour l'invitation. C'était bien cool de venir vous voir. Ben, il n'y a pas de quoi. Puis, vous amènerez votre album. Pourquoi puis, vous appelez Monsieur Dame, anyway? Parce que c'est rassembleur. Puis on a besoin okay. de ça, des noms de bandes rassembleurs au Québec. Oui. Comme le projet Solo Waza. Voilà. Notons ici le prochain que... solo de Waza. Ouais, c'est bon, ça aussi. Notons ici qu'il n'y a aucun esti de show à venir, fait que tenez-nous au courant. Sans oui. faute. Ah ouais, puis, MySpace, ouais, quelque chose, MySpace. Avez-vous une plug? MySpace.com/messieurs-dames au pluriel. Et voilà, yeah, c'est fait. En un mot. Bandcamp.com. Ah, viens dire ça dans le micro, là. messieursdames.bandcamp.com comme camp de band bandcamp ah, ouais. fat camp mais bandcamp à la place. Ben vas-y Bruno, lance-nous des nouvelles pendant qu'eux autres packent les petites affaires. D'accord bon alors Carlos Roberto Medina Delicias du Mexique est incarcéré depuis un mois au pénitencier de El Paso au Texas. En attendant son procès, il était dans la cuisine en train de préparer le repas pour les autres détenus quand il a décidé de s'évader. Sa sortie, la chute à déchets. L'homme de 30 ans a alors attendu dans un conteneur à déchets que le camion vienne le libérer. La police a vérifié avec la compagnie de cueillette de déchets et a confirmé que les déchets en question avaient été transportés au dépotoir. La police a retrouvé un corps sans vie parmi les déchets. Il semble que le système de compression de déchets du camion ait eu raison des organes internes de Medina. Le shérif a confirmé que les chutes à déchets étaient une faille dans le système et qu'elles seraient réparées afin d'éviter d'autres évasions. J'ai mis encore des guillemets à évasion. En tout cas, il était bien fier de son plan jusqu'à temps qu'il se ramasse. Jusqu'à temps qu'il se fasse écrire de poutre. Aïe, ça devait être confortage. Ouais. Il pensait qu'il était sûr pour. En tout cas. Il paraît qu'il était méconnaissable. Il a fallu qu'il prenne ses empreintes digitales pour l'identifier parce qu'il était trop écrapou. Entre deux cannes de spam à moitié vide, ouais. Man. Comment ça qu'il y ait des. Mets-en un autre, là, que ça, ça nous change le visuel. Alors, la Young Men's Christian Association, rendue célèbre par la chanson YMCA du groupe Village People, va changer de nom. À partir de maintenant, l'association sera connue sous le nom beaucoup plus trendy de The Y, ou le Y en français, causant la consternation chez les membres du célèbre groupe disco des années 70. Hey, on n'a rien à ch... Attends un petit peu. Nous sommes profondément consternés par l'annonce du YMCA, affirmant qu'ils sentent un changement de nom et une nouvelle image de marque sont nécessaires après 166 ans, a affirmé le groupe dans une déclaration cette semaine. Certaines choses restent iconiques et quoi que nous admirions l'organisme et le travail qu'ils font, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander why. Ah? Why? Ouais, on l'a. Ça veut dire bien sûr membre en anglais. Ça. Exactement. Ouais, ouais. Kate Coleman, chef du marketing du Why, affirme que c'est une façon d'être plus chaleureux, authentique et accueillant quand on se nomme de la même manière que les autres nous nomment. Le groupe affirme que la chanson ne changera pas pour autant et qu'ils continueront de chanter toutes les lettres de lors de leur concert. J'allais te poser la question. Ouais. Ouais. Encore des concerts? Why? Why, it's why? Fun to stay at the Y. Alors moi, la danse est plus simple un peu. Hey, merci beaucoup, Bruno. Il y a nos amis Fabrice et Louis qui s'en vont pendant ce temps-là. Moi, je vais lire une partie du texte que j'ai écrit sur l'espèce de chose qu'on s'en va écouter ce soir. C'est vraiment un essai, hein, j'insiste. Ça faisait longtemps qu'on voulait les passer, mais en même temps, pourquoi qu'on voulait les passer, je ne sais pas non plus. C'est... Je sais pas ça vient d'où, je sais pas c'est quoi. Salut les gars, hein, à la prochaine. Ça content. avant de commencer sur le film de ce soir, j'aimerais vous rappeler, et en fait, vous gênez pas pour inviter le plus de gens possible à aller voter chaque semaine sur le site de douteux.org. T'as pas besoin de venir voir le film pour choisir comment les autres vont souffrir. Puis en fait, de manière intéressée, le trafic sur le site, c'est notre meilleure arme pour à un moment donné vendre de la publicité pour qu'on ait des pubs de Tampax en haut ou pour, en fait, confirmer qu'on a une fanbase pour des projets lucratifs. Donc, chaque vote que vous allez faire, c'est utile à nous autres. Hein? C'est pas pire, ça. C'est comme égoïste. Fait que c'est un service, je vous demande. C'est pas compliqué. Ma mère, elle va voter. Tu votes, tu cliques sur projection, puis tu vas choisir. T'as souvent des petits extraits ou des super textes. C'est vraiment, vraiment laid, là. Je l'écoute un bout, là. OK. Bon, j'insiste, ça n'arrivera plus avant longtemps. Ça fait près de 4 ans que je fais des visionnements chaque lundi. Et ce soir, on essaie la barrière toute nue pour la première fois de toutes. Ce soir, on va se taper de la crasse, de la vraie. Le genre de choses que vous ne voudriez pas que votre mère sache que vous avez déjà regardé. On est parti pour les aventures dessinées de la jeune princesse condamnée par le marâtre à ne jamais connaître d'orgasme. On est lancé dans les aventures de Hansel et Gretel face à la sorcière cochonne, Blanche-Neige et les 7 nains à la pompe, le cochon shérif face au chat hors la loi, Bugs Bunny contre le renard à pas de cul. Hein, popé celle-là, hein? Ouais. Tom et Jerry et la belle caille, volet durant lequel Tom, la souris, fourre une canarde sexy dans plein de positions. Enfin. Les pirates méchants face aux gentils flics bustiers. Ça, c'est un autre popé. Ouais, ouais, comme dans ouais. Le sultan et sa machine à fourrer. Le sexorciste qui réussit à repousser le démon. Les vampires qui veulent se taper Casper aux grosses boules. Celle-là, c'est particulier. Tu sais, le fantôme là qui se fait courir après par des chauves-souris de vampires bandés, là. Ouais. C'est particulier. Je dis pas que les autres le sont pas, là. Et il y a bien sûr les explorateurs de la jungle et l'orgie d'ombre rappelant les belles années de Franquin chez Fluide Glacial. Dans cet assemblage apparemment innocent, ce qu'il y a de spécial, entre autres, c'est que tout ce qui se fait fourrer est en majorité ferme, jeune et sexy. Tandis que ce qui fourre peut être tantôt un cochon, tantôt un lapin, tantôt un pain, tantôt une machine, tantôt un gros roi, tantôt un soulier, un poteau de clôture, une trompe d'éléphant, une cabane. C'est vrai que les gars développent des bosses bizarres à des places bizarres, mais pas à ce point-là. Anyway, ben là, en tout cas. Si on vous a proposé ça, c'est surtout pour exposer notre grande culture générale et pour partager avec vous ce qui a le moins de classe et de public cible que j'ai vu de toute ma vie. Et j'en ai vu des affaires pas de classe et dépourvues de public cible dans ma vie. Mais autant pas de classe pour mener à tellement aucun public cible, c'est un mélange d'un ratio impossible à retrouver et franchement annihilateur de cerveau au point où on donne moins 9. Je pense que je comprends mieux le sexe fécal. La scatophilie que je comprends ça, disons. Pourquoi les écureuils y fourraient dans l'arbre? Calme! En fait, la quantité incroyable de choses épaisses en viendra à vous atteindre une zone spéciale dans le cerveau. Quand vous allez sentir ça se produire, quand la lassitude la plus totale étreindra votre âme assommée, que vous aurez l'impression d'être pris dans un cul-de-sac de folie, ben riez. C'est tout ce qu'il vous reste et c'est la portée pédagogique de ce qu'on écoute ce soir. Le laisser-aller, le vrai. Pas celui que Meg Ryan nous apprend dans ses films avec des cellulaires qui sonnent, mais bien le laisser-aller qu'on apprend de force si on veut pas finir veston-cravate. Je vais en reparler un petit peu encore tantôt, parce que j'ai pas vraiment fait le tour. Ils sont en train de faire la brouette, c'est le début d'Ansel et Gretel. Tout le monde est allergique au linge. Fabuleux. Je pense que je vais mettre une petite chansonnette pas trop longue avant de s'en aller vers Julien Bernatché, là, où ça va dépendre, là, ça va être le gros combat de poule, j'ai l'impression, moi, entre les deux. Ah, calice, qu'est-ce qu'elle fait, là? Même le hibou, il banque. C'est débile. On va écouter ici, ça vient de Dexter's Lab, parce que j'aime bien gros Dexter's Lab. C'est la Sunshine Song, elle ne dure pas trop longtemps. Là. Elle est pas loin, c'est pas mal ça. Here comes inspiration. When my music meets your science, they're the biggest of the giants, and they'll solve all the problems and throw their troubles away. Yeah, yeah. When you take the math, you know, next to do, re, mi, fa, so, you can mix them all around and you got some music to play. Yeah, yeah. Tomorrow is a brighter day if we work together. Together we can pave the way, it'll last forever. Just open your heart, unlock that prison deep down in your mind. Step up to your console, create some music, and breathe in the good sunshine. A brighter day if we work together we can pave the way, it'll last forever. Just open your heart, unlock that prison deep down in your mind. Step up to your console, get some music, and breathe in. Ben écoutez, si tout le monde avait 70%, ça serait déjà pas mal moins pire que ce l'est maintenant. Ah ouais, je vais faire un indicatif pour les sprats. Ce sera pas long. Fait que là, on est de retour en studio. C'est la PSA officielle a été faite il y a déjà 2 semaines. On l'attendait, le match, depuis longtemps. Kate Kendall dans le coin à la gauche d'Israël face à Julien Bernatché, alias Lucky Luke, dans le coin à la droite d'Israël. Bien sûr, c'est la poignée de main droite qui s'effectue. On entend la foule dans les backgrounds. Vous chantez la chanson. L'hymne national est déjà tout fini. Je te déclare la guerre des graines. Go, go, pousse! Oh, c'est fort, c'est fort. On sent que Bernard dans ma main. Oh, le mot spécial de Kendall. Et le pénis d'Israël qui essaie d'entrer dans la compétition. Et le match qui s'étire. Ça rajoute au poil de Julien. C'est Kendall. C'est tellement humiliant. T'es fait bernacher, même. On me l'avait pas encore dit, ça. Ben, fait que, Kate, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, toi? OK. C'est elle qui a gagné, c'est elle qui commence. Ah, à moins que c'était mieux, tu peux jouer que c'est toi qui décides, puis qu'on écoute Julien Bernatché. Ouais, mais... Nous, c'est ça qu'on s'est entendu pendant la mer, en même temps. Bon, ben, désolé, fait que ce que je fais, là, c'est bougez pas, là, ça sera pas trop long, je l'avais préparé. Hein? Pour faire changement, le début de la chronique de Julien Bernatché sera interrompu par un téléphone. Ben oui, il me semble que c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, ça. Bonjour, bienvenue à 70%. Hey, salut 70%, ici DJ Georges en direct de la Gaspésie. Ah bon! Puis comment ça se passe? Bien content d'interrompre Julien Bernatché. Bon, je t'habitue. Moi, c'est vraiment la chronique que j'aime le moins, 70%. Moi, c'est ma préférée. C'est réciproque. Puis c'est quoi qui se passe, là? Avez-vous trouvé des marchés aux puces, des affaires spéciales, de la bouffe locale? Oui, ben là, regarde, je suis en plein milieu d'un souper de homard que j'interromps juste pour vous appeler. On est bien désolé. C'est la solitude que j'ai à votre égard. Et en Gaspésie, ben tu sais, on est à baie des chaleurs, fait que c'est pas cool. Il fait chaud puis il fait soleil, c'est intolérable. Puis en plus, ben tu sais, le monde il roule pas vite, les gens sont pas pressés. Tu rencontres des gens que tu connais pas, ils te disent salut. Bref, on se fait chier. Puis j'ai vraiment hâte de rentrer chez nous. En attendant, je suis passé devant une vente de garage à Saint-Simon. J'ai été un peu déçu quand même. C'était plus du genre de crap qu'on jetterait aux poubelles que qu'on aurait le goût de vendre à un encan douteux. Mais j'ai quand même trouvé un bel album de Noël de Nicole Martin juste à temps pour le Noël du campeur qui s'en vient. Yeah. Fait que tenez-vous bien à mon retour, je vais faire jouer ça. On ne fait que ça, se tenir bien en attendant ton retour. J'imagine. On regarde vers l'est et au cinquième matin, là. Je rentre le ventre et je sors les fesses. Ah, mon Dieu. J'en attendais pas moins de toi. Fait que, hey, dis salut à ta gang, là. On va s'en aller écouter de quoi sur Ricochet, là. Tu checkeras ça. Ben, écoute, c'est sûr que je vais écouter ça dès mon retour. As-tu un petit mot de la fin avant qu'on Julien Bernatchez? Écoute, comme mot de la fin, je vous souhaite un magnifique 70%, puis tenez bon, la semaine prochaine, je serai là avec le Noël du campeur, puis hey, on a une bonne fin de journée, les amis. Merci, Étienne. Bye-bye, DJ. C'est bye ça, bye fais bye attention bye à toi, mon gars. Bye-bye. Aïe, yes. Imagine un road trip avec lui à un moment donné. Faut que ça se fasse. Vas-y, Julien, déglutis, mon gars. Excuse Étienne pour ça. Ah, vu que c'est Étienne, c'est correct. Bon, alors, oui. Ça serait cette semaine, je disais, un dossier apaisant sur Ricochet. Alors, je commencerai en disant que ma blonde trouve dernièrement que je ressemble à Astérix. Fait que, je vais dire, à cause de ma moustache, je sais pas. Puis, le lien avec Ricochet, c'est qu'il y a des R et des I. Oui, voilà. Fait que j'aurais dit I des fixes, en fait. Ah, peut-être un peu, ouais. Fait que là, je me suis dit que je peux faire mon imitation d'Astérix, parce que j'en ai une. Fait que, Obélix, fais attention! Fait que c'est ça, c'était bon. C'est ça. Quoi de même? Aïe, c'est passé vite, ça, mon chien. J'ai cligné des yeux, j'ai pas entendu, peux-tu recommencer? C'est la semaine prochaine. C'est un gros menhir, ça, Obélix. Alright. Fait que donc, mon dossier appelle à Ricochet. D'après moi, Ricochet, c'est un enquêteur qui peut faire des bons sur l'eau. Parce que j'en ai vraiment, vraiment pas lu, là, des Ricochets. Fait que. Il combat le crime en se lançant de toutes ses forces sur l'eau et en rebondissant plusieurs fois en direction de ses ennemis. Parfois, il fait 3 bons, parfois 7, parfois 2. Somme toute, selon moi, Ricochet est un galet plat. D'ailleurs, pour faire des bons efficaces, il faut que la pierre soit plate, puis Ricochet, c'est plate en asti. Son auteur s'appelle Tibet. Il est une région autonome de la Chine dans laquelle on parle le tibétain et qui habite 5 millions de personnes. D'après plusieurs t-shirts, on devrait libérer cet auteur. Je noterai donc. Ou cet auteur est gratuit. Aussi, voilà. Effectivement. On va bien beau pas faire. Donc, je noterai que pour ma recherche, j'ai lu aucune BD, mais plusieurs t-shirts. Cette région autonome de la Chine dessine aussi Chick Bill, mais c'est pas lui qui dessine l'agent 212. En effet, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Oui, il ne fait que le scénariser. C'est ça. Tintin a d'ailleurs déjà visité cet auteur dans le célèbre album Tintin au Tibet. Tintin au Tibet est un album inspiré par les cauchemars récurrents d'Hergé, cauchemars qui étaient toujours blancs. En effet, Hergé, à l'époque, laissait sa femme, qu'il avait mariée trop jeune, pour la jolie coloriste de son studio. Et à cause de son bagage catholique et de la pression de ses pères, ben, il dormait mal. Fait que, notons aussi dans cet album-là, Chang est rendu adulte, mais il n'y a personne d'autre qui vieillit dans Tintin, alors c'est mêlant. Et, Hey, c'est vrai, ça, pareil? Ben, moi, j'ai remarqué ça quand j'étais jeune. Je le disais, Chang, il est comme rendu vieux. Il n'y a personne d'autre qui... Ouais, bon. C'est vrai. Peut-être qu'il était comme à 3 ans d'être devenu plus vieux, puis ça marche. Ouais, il y a comme une ligne. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, c'est vrai. Faudrait faire la ligne du temps de Tintin. De Tintin, voilà, peut-être une autre fois. La jeunesse de Nestor. Ouais. Oh my God, oui. Le jeune Nestor. Aussi, ben, dans Tintin au Tibet, il n'y a pas de méchant. Hein. Le seul, même le Yeti, ça va être gentil. Fait que, comme dans la vie, l'ennemi est à l'intérieur. Mais donc, Ricochet, j'ai fait une liste des choses qu'on doit jamais probablement croiser dans un Ricochet. Probablement. Un lendemain de poudre, un Sega Game Gear, une bonne joke, une caisse de 12 de Pabst, un mouchoir qui n'est pas un indice, et un album de Ricochet. Parce que ça ferait comme imploser l'univers, je présume. Mise en abîme. Ça sont croisés un album de Ricochet dans Ricochet, et puis il lit, supposons, tu sais. C'est le prochain. Ben, genre. C'est pas comme dans Spaceball, mettons. Ben, c'est ça. Ouais, par exemple. Aussi, ben, je vais donner à Ricochet ce que j'appelle maintenant le traitement Bob et Bobette, c'est-à-dire lire les titres d'albums, qui se chiffrent à 79 dans le cas présent, et deviner ce qui se passe dedans. Encore une fois, les titres sont véridiques, alors si certaines intrigues vous parlent, ben, vous avez qu'à aller à la bibliothèque la plus éloignée. Alors, tome 3, défi à Ricochet. Ricochet se fait mettre au défi par le commissaire Bourdon de faire 25 bons de suite. Je le trouve drôle. C'est bon. Un peu de sérieux. C'est la première fois que je me trouve drôle. Il n'en fait qu'à 23. Humilié, il se saoule, vole un vélo et se blesse 10 mètres plus loin. Tome 9, alias Ricochet. Ricochet réalise que son nom est un calembour. Mélangé, il se met à chercher dans le bottin téléphonique le nom des gens pour voir s'il est le seul dans cette situation, mais ne trouve personne d'autre. Humilié, il se saoule et plante un arbre à l'endroit où il a eu son premier baiser. Premier d'une bien courte ligne. Tombe 11, cauchemar pour Ricochet. Horreur, Ricochet n'arrive plus. Excuse-moi. Comment c'est possible? Horreur, Ricochet n'arrive plus à faire de bon. Heureusement, c'était qu'un cauchemar, puis ça finit bien. 20, l'homme qui porte malheur. Ricochet se trouve un nouvel ami dans le métro qui partage sa passion pour les timbres. Seulement, en présence du dernier, Ricochet n'arrive plus à faire de bon. Est-ce que l'amitié l'emportera? Non. Tombe 29, opération 100 milliards. Ricochet se fait mettre au défi de faire 100 milliards de bons. C'est le meilleur en plus des Ricochets. Il y arrive sans problème. Cet album est particulièrement répétitif et sans suspense. C'est pas vrai, c'est le meilleur. Ben oui, opération 100 milliards. Moi, je l'ai lu, bon. Ah ouais, je les ai pas lus. Ouais. Okay, ben, c'est pas, ouais, c'est ça, c'est une différence d'opinion. Ben, c'est ça, ça vaut ce que ça vaut. C'était ça crée des débats. Très subjectif, hein, Ricochet. Tombe 33, le scandale Ricochet. Ricochet fait scandale au poste de police avec ses shorts trop courtes qui font un cul d'enfer. Il passe sa journée à se faire croiser, ce qui ne déplaît pas à son égo démesuré. Le tombe 34, la nuit des vampires. Tout seul un vendredi soir, comme tous les vendredis soirs, Ricochet se loue les trois Twilight, voulant les écouter en rafale, mais il s'endort pendant le premier. Un autre vendredi soir perdu pour Ricochet. Le tombe 50, le crime de l'an 2000. Ricochet casse sans arrêt les oreilles de son maigre entourage à propos du bug de l'an 2000. Évidemment, il ne se passe rien, et son maigre entourage commence sérieusement à remettre en question les qualités d'enquêteur de Ricochet. Tombe 53, meurtre à l'impro. Ricochet arrête pas de dire à tout le monde que Robert Gravel a été fait assassiner et que tout cela est un complot du gouvernement, parce qu'il y a eu ça sur Internet. Fait qu'il a de moins en moins d'amis. Tombe 78, à la poursuite du Griffon d'or. Ricochet fait des bons en état d'ébriété avancée et se tue par accident. Alors, donc, tombe 63, j'en ai presque plus. Là. Ma sorcière mal aimée. Ricochet s'achète la saison 2 de Ma sorcière bien aimée en DVD, mais réalise rendu à la maison qu'il a acheté la version en noir et blanc par accident. Il se met sous et l'écoute quand même sans broncher. Alors, pour terminer, le tombe 55, qui a peur d'Hitchcock? Ricochet n'arrive pas à contrôler sa famille d'Hitchcock, ce qui l'empêche de savourer ses nombreux chefs-d'œuvre. Alors, Ricochet est une œuvre, selon moi, complexe et riche en nuances, qui demande souvent plusieurs lectures pour être savourée à sa juste valeur, puis je ne la conseille pas. Merci. Excellent. Tiens, je pense qu'on va remettre ton thème pour finir ça, ta chronique. Ah, toi. Mais merci. Mon ami Guillaume Sibouin, le chanteur du Sabot Trio. On le salue. C'est la prochaine fois qu'on le salue, en fait. Hey, ben merci beaucoup, Julien Bernatché. On en a appris beaucoup à propos de Ricochet aujourd'hui. Je pense que j'en sais moins sur Ricochet qu'avant. En fait. Oui, c'est bien sûr dessiné par une région du type de la Chine. Oui, c'est un enquêteur qui fait des bons sur l'eau. Oui. Il n'a même pas checké Wikipédia aujourd'hui, je pense. J'ai checké, en fait, la page Wikipédia des Ricochets en tant que tel, là, de l'action, puis... Le premier paragraphe de la page Wikipédia sur le Tibet. Et voilà, on vient de citer les sources de notre expert bande dessinée. Puis une liste d'albums aussi sur Internet. Ouais. Pourquoi pas? Oui. Hey, ça nous amène-tu à parler avec Bruno Corbin pour en apprendre sur les nouvelles du monde de présentement? Tantôt. D'abord, je pense qu'on va remettre un bout encore du film et puis on va le commenter. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne idée. C'est superbe. Hein? Moi, je suis encore dans celui... Je suis dans celui de médiéval, là, votant à 9 minutes. D'accord. Là, on est comme dans la maison de Hansel et Gretel. Les voix sont tellement inspirantes. Hein? Wäre das nicht was für mich, Grete? La maison est magnifique. À la rose d'ébullition avec son lait maternel. Les filles, moi, je connais pas. J'en connais pas une qui aimerait pas ça avoir une clôture demain. Bei dieser Nummer werden selbst die Bäume geil. Ça, c'est... Donc, c'est les arbres. Ah, c'est comme ça que les arbres se reproduisent. C'est dans d'androphilie, ça. Evelyne, toi qui connais l'allemand, est-ce que tu comprends? Je connais des... je comprends des mots, là, mais tu sais, c'est pas un vocabulaire. C'est une nuance de l'histoire. Ok, ouais. Okay, de parler avec. Ah, il y a des boules après la maison, puis la cheminée est en forme de couette. Oui, tu te souviens, dans le conte, était mangeable, la maison, elle l'est encore. Là. Elle est encore mangeable et pleine de boules. Pourquoi personne met de linge? Hey, c'est des plots sur le plafond. Ouais, c'est ça. Les gouttières de bord de toit sont en forme de vulve. Hey, c'était beau, ça. Ah, son pénis est trop petit, fait qu'il va falloir qu'elle l'engraisse. Oh. Vraiment, c'est la vulve pleine de feuilles mortes. Hey, c'est vraiment incroyable. On a 7 volets, non, en tout cas, plein de volets différents avec des... Tu peux, il y a quelque chose qui a buggé sur mon ordi. Ça, ce bout-là, c'est celui qu'il y a sur le spécial sexe. C'est quand le corbeau qui a l'air de... Ah non, il est en train de se servir de la pompe, là. La... Elisabeth, tu vas faire office de la voix légale de douteux.org pour l'histoire d'un texte. Ça va être sous fond de porn animé allemand, là, mais c'est correct. Monsieur Godet, mon client Simon Predge a été interdit par la cour de vous téléphoner en onde durant toute la durée de son procès contre l'Empire Simard. Nous sommes désolés des nombreux problèmes que cette situation peut vous éviter. Monsieur Predge désirerait aussi vous informer que sa sentence sera remise à lundi le 26 juillet 2010, due à une nouvelle pièce à conviction dans le dossier, des excréments de Monsieur Predge. Nous vous remercions cordialement et avec toute notre plus dévouée gratitude de ne pas répondre à cette lettre, faute de quoi nous devrons vous traîner en cour pour harcèlement psychologique. Considérez-vous comme averti. Maître Bertrand Cournoyer-Pitre, avocat. Donc, on sait pas trop c'est quoi ça veut dire. On sait qu'il est pas là aujourd'hui puis qu'il nous appellera pas. Pendant que là, Ansel, Gretel et la méchante sorcière sont en train d'aller travailler sur les poteaux de la clôture. Pendant que des lapins les regardent. Non, les lapins, on le sait bien, ils sont tous pareils. Quand ça va arrêter? Il y a encore l'oiseau qui passe, la maison rebande et on s'en va faire du beurre. J'ai pas mal hâte d'écouter ça avec plein de monde, ça va être débile. Ça va vraiment être là. Ah, puis ils vont finir dans la cuisine. Ouais, peut-être. La semaine prochaine, il y a Super L, fait qu'il faut le voter pour Super L. Ah ouais, toi, Super L, le mélange Meux-Roger Normandin. Ça ouais, ouais, c'est fusion Meux-Roger Normandin. Là. Que, moi, je vais le dire au micro à soir. Parce que by day, he's just an ordinary hell, but by night, he becomes Super Hell. Wow. Ouais, dans la 8e dimension. Dans la 8e dimension. En dehors de notre galaxie. We want to see me masturbate. Hey, Evelyne, toi, tu voulais nous raconter un voyage, un souvenir de voyage? Ah, ben oui, je peux bien, ça prendra vraiment pas de temps. En plus, je suis retournée voir justement mon petit ami là, dans le Québec Redneck, Bluegrass Press. C'est tellement le fun à dire. Abbé Saint-Paul qui faisait un show. Fait que là, ben, je me retrouve à Abbé Saint-Paul. Puis, tu sais, les amis, je sais pas si vous vous en rappelez qu'on était arrêté à la compagnie Tremblay en venant de Chicoutimi par Abbé Saint-Paul une fois, puis c'était fermé. Ben là, je suis retournée, puis c'était ouvert. Oh! Fait que là, je suis rentrée. Puis je me suis fait dire un beau « Bonjour! » Ici Linda Tremblay puis là, de la compagnie Linda Tremblay. Tu as serré la pince? Ben oui, je l'ai même embrassé avant de partir. On n'a pas eu une grosse discussion quand même. Elle nous a dit que tu sais, Saint-Paul, c'était beau puis que tout le monde aimait ça. Mais j'étais avec mon amie Elisabeth, puis une autre Elisabeth. Puis elle est en train de texter son fils sur son BlackBerry. Puis là, ben en fait, c'est comme ça qu'on l'a rencontré, là, Madame Tremblay. Elle s'est fâchée. Parce qu'elle pensait qu'Elisabeth était en train de prendre des photos dans son magasin. Oh shit, c'est minable ça. Ouais, fait que là, c'est ça, elle nous a bien fait comprendre qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos dans son magasin, dans lequel il y a, ah mon Dieu, c'est un bordel sans nom, là, ce magasin-là, c'est fou, là, il y a toutes les gogosses de jardinage, tu sais, les petits cossins avec des yeux magiques que tu passes en avant, puis ça te salue d'un petit cul. Les hiboux qui font louloulou. Ouais, ben en impérial monétaire, là, il y en a à peu près aux 5 piastres. Il y en a 12 pouces. Puis, fait que là, à partir de ce moment-là, qu'elle a pensé qu'Elisabeth allait prendre des photos, mais c'est pas ça qu'elle faisait du tout. Ben, elle nous a suivis partout dans le magasin. Puis, bon, on a fait le grand tour, là. Ça a duré un bon 15-20 minutes, mais en fait, après, c'était dur de s'en aller. Est-ce qu'elle te dit que. Elle a de la jasette. Ah oui, est-ce que vous étiez au Bois dormant? Ben, il y a une section, oui. Il y a une section, je... Hein? Est-ce que c'était tellement beau que tu aurais vu? J'aurais voulu dormir les yeux ouverts. Oui, j'ai laissé à l'image la parole. Pour regarder la décoration toute la nuit. Oui, fait que c'est juste ça. Là, j'ai embrassé Linda Tremblay, puis elle a pas changé. Puis c'était Fred qui avait pris des photos quand on y est allé. Oui, il nous a jamais eu les photos de voyage. Jamais, jamais. Moi, là, je mets plus de pression, mais là, il est en tôle. C'est vrai, dans le fond, on comprend pourquoi. Mais là, moi, j'ai voulu, je voulais mettre la photo de moi puis Alex Leblanc, photo de profil Facebook. Hey! Mais moi, je veux pas. Pendant qu'eux autres vont régler ça de leur bord, Andrew Lee, c'est un auteur, compositeur, interprète américain. Le gars, il en est à 6 albums. Il est pas très vieux. Il a l'air d'avoir autour de la vingtaine. C'est pas le même Andrew Lee que celui qui est le nouveau Jonas Brothers. Là. Ça en a un autre. Ce gars-là, il fait des tunes chez eux, puis il est à 6 albums, c'est tout vendu sur son site internet, et c'est dit sur son site internet que sa mère aime beaucoup ce qu'il fait, et c'est elle qui l'encourage là-dedans. On va donc écouter ici sa tune qui s'appelle « Hey You ». Moi, j'ai rajouté « Après, on écoute du Andrew Lee, c'est vraiment ma nouvelle vedette préférée, ça me rappelle, c'est aussi potent que Madness Rang, je crois. Et puis le fait que sa mère aime ça, je pense que c'est un petit vernis. À 70%, on revient pour Kate après. Là. Je vais vous parler un peu de ma vie parce que je suis sûre que ça vous intéresse. Il y a un an, il y a un de mes amis qui s'est suicidé. Puis j'étais son ami Facebook, en fait. Puis c'est là que je l'ai appris que par Facebook, c'était suicidé parce que sur la page d'accueil de Facebook, il y avait de mes amis qui écrivaient à cet ami-là des choses comme « bon voyage ». Puis là, j'ai naïvement pensé au départ qu'il s'en allait quelque part, mais non, c'était pas de ce voyage-là qu'on parlait, mais du vrai gros voyage. Et ça m'est arrivé récemment, là, c'est pas une amie que j'avais, c'est par contact interposé qu'une fille disait « j'ai tellement de peine, je t'aime, blabla ». Puis je suis allée sur la page de cette fille-là, et ma foi, j'ai fait vraiment de belles découvertes. J'étais vraiment... j'aime pas me réjouir de la mort de quelqu'un, mais dans ce cas-là, j'ai vraiment fait de belles trouvailles. Puis ça m'a amené à la réflexion que... Facebook? Est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour partager ses émotions quand il y a des gens qui meurent? Est-ce que c'est... Le fait d'avoir un compte Facebook ouvert quand t'es mort, est-ce que c'est une bonne idée? plein d'autres questions comme ça. Puis j'avoue que ça devrait être inclus sur la majorité des testaments. Quoi faire avec mes comptes d'avatar? Ben oui! Puis connaissant le niveau d'utilisation Facebook de la majorité des utilisateurs, moi, j'aurais vraiment peur de ce qui peut se passer sur mon compte Facebook après ma mort. Fait que je vous le dis tout de suite à tout le monde ici, là, je suis très, très sérieuse. Écrivez pas sur mon wall Facebook après ma mort. Parce que c'est con, puis je suis pas sûre que je vais avoir accès à Facebook une fois morte pour vrai. Fait que... tu pourras pas Pokéback! Non, c'est ça! Dislike! Puis, tu sais, je sais pas, rencontrez-vous, jasez-en, hein, mais parlez-en pas sur Facebook, c'est pas la place. Puis ça devient après ça une game de c'est qui a le plus de peine, puis c'est qui me connaissait le mieux, puis c'est qui s'ennuie le plus. Des affaires qui vieillissent bien. Oui, c'est ça. Oh, tu sais, non. Fait que pour votre plaisir, en fait, j'ai fait un top 10 des pires choses à mettre sur Facebook ou à trouver sur Facebook par rapport à la mort. Le 10e, ça serait avoir une demande d'ajout d'amis après ma mort avec le petit commentaire sur mon wall ou en message privé de « Ajoute-moi, s'il te plaît, j'ai envie de te connaître ». C'est de quoi que j'ai vu sur la page de la fille qui est décédée il y a pas longtemps. Je vais d'ailleurs l'appeler Marie ou Mimi dans les cas plus intimes. Après ça, le numéro 9, ça serait recevoir le message de la fille qui veut trop s'impliquer. Puis ça, c'est un message que j'ai pris texto sur le babillard de la fille en question. « T'étais une fille incroyable et tu le resteras à tout jamais. Je te souhaite un bon voyage, je penserai très fort à toi chaque jour. Tu sais, parfois je me demande pourquoi la mort emporte des jeunes filles si jeunes et merveilleuses. Tu étais merveilleuse. Je ne t'ai pas connue personnellement. Mais je sais cool. ta valeur. Oh, et dans tes yeux, ça se voyait à quel point tu aimais les gens. Je t'aime, Marie. Tu vas nous manquer énormément. Mes sincères condoléances à tous tes proches. Je like encore plus toutes tes photos. Et naturellement, c'était d'une fille avec une photo d'elle en maillot de bain qui se colle sur son amie en maillot de bain. C'était gratuit, je m'excuse. Numéro 8, recevoir le message du gars qui veut dire les bonnes affaires mais qui a une mauvaise syntaxe. Ça aussi, c'est cité texto. Merde, moi pis elle, on s'est parlé une coupelle de fois, mais on se parlait pas souvent, mais j'aurais peut-être aimé la connaître plus, mais je vois qu'aujourd'hui, j'en aurais pas l'occasion. J'en reviens pas, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait l'air hyper gentille, pis Castor s'est rendu une autre étoile dans le ciel qui brillera à jamais. Repose in peace, la grande. Je te connais pas beaucoup, mais tu le mérites. Sûr, t'étais cool. Ton sourire, sa photo, ça a l'air cool. Mais je te connais pas beaucoup, mais tu le mérites. Mm-hmm. Ouais, c'est fabuleux. Ouais, c'est ça fabuleux. Se parle, OK. C'est pas parler du tout d'affaires qui nous dépassent. Hey, numéro 7, recevoir le message de la fille qui a vraiment pas de tact et qui se justifie de pas aller aux funérailles. Texto toujours. J'espère vraiment pouvoir être présente là. Le problème, c'est le prix d'hébergement, mais on verra. RIP Mimi XOX. OK. C'est une joke? Non, c'est tous des messages textos. Non, je sais. Mais elle essayait de faire une joke pour détendre l'atmosphère. Oh. On aurait dit. Détendre l'atmosphère du profil Facebook. Ouais, c'est détendu. De la décédée. Ensuite, puis ça, c'est... La fille a vraiment ça. Avoir un event Facebook de mes funérailles. Come on. Pour que le monde aille se justifier, genre... Ah, ben là, je pouvais pas être là pendant 3 pages, puis voir qui va être présent, qui va peut-être être présent. Not attending. Déjà que dans les events Facebook, les seules personnes qui écrivent sur le babillard, souvent, c'est pour se justifier de pas être là. Ben, non, c'est mais ça. C'est parce que, tu sais, je suis au Cambodge. Puis ça, ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui a eu accès à son profil pour être capable de la faire attending à oui, ses propres funérailles. C'est quoi que j'ai pas mentionné, mais que j'avais dit à Tommy, ouais, elle est présente à ses propres funérailles, cette fille-là, oh, d'ailleurs. Oh shit, ça c'est malaisant. Ben c'est sûr qu'elle est là. Ouais, mais c'était une des ouais. premières à être présente à ses propres funérailles. C'est elle qui organisait l'événement. C'est elle qui a créé l'événement? Non, c'est pas non. elle qui, okay. elle qui organisait l'événement. J'ai envie de partir. Ensuite, j'ai numéro 5, avoir un album photo souvenir virtuel où tout le monde est invité à contribuer. Est-ce qu'on se rappelle tous de photos malaisantes à la sortie d'un bar hyper sous qu'on n'a pas envie qu'ils se retrouvent après notre mort, virtuellement diffusées à tout le monde? Là, rendu là, je pense que je ferais confiance à mes amis. Ouais, mais quand ça dit tout le monde est invité à contribuer, parce que la fille a eu un truc comme ça, puis il y a des photos d'elle où qui est vraiment saoule à la sortie d'un bar, puis qui a fait un fuck à la caméra, puis qui est en petit top, là, tu sais. Yeah! Remembering. C'est ça. Ensuite... Je te connaissais pas, j'aurais aimé ça de connaître la soirée que t'étais saoule. Son sourire, sa photo, ça la rendait saoule. 4. Avoir des photos de mes funérailles sur Facebook pour que les gens qui sont venus puissent montrer comment ils avaient de la peine, mais qu'ils étaient forts et solidaires, blablabla. Bla, que ceux-là bla, qui sont bla, pas bla, venus bla. Puissent le regretter à oui. tout jamais. Mais ça, encore une fois, il y avait des photos de l'après-funéraille de cette fille-là, puis il y avait du monde qui était tagué, puis avec des commentaires dont « Vous êtes forts, merci, merci d'être là, je passe à travers grâce à vous ». C'est qui écrivait ça? Sa mère ou sa sœur? Ses meilleurs amis, là. Ses meilleurs amis, là. OK, ouais, ceux qui avaient envie de shiner, là. Mm-hmm. J'ai envie d'aller écrire de quoi? Je vous connais pas, mais j'aimerais ça que vous soyez tous mes amis Facebook pour qu'à ma mort, il y ait un monument virtuel qui se crée. Absolument. Mm. Le 3, ça serait... puis ça m'a vraiment enragée. La fille a été taguée sur des photos de funérailles avec un beau cœur comme commentaire. Elle a été taguée dedans sa cercueil. Non, c'est pas dans son cercueil, mais mettons dans une couronne. C'est vraiment dans marrant. Une couronne. Dans une couronne de fleurs ou dans le petit cadre que ses amis tenaient dans son ciel. Souvenir. Là, pis... Ou sur la larme qui dégoûtait de la joue de Jean-Charles. Ouais. 2. Avoir une vidéo d'un moment émouvant de mes funérailles. Sur ton statut Facebook, t'aimerais mieux que ça arrive, pousse. Ouais, c'est qui le génie qui filmerait mes funérailles? Et encore une fois, la fille avait une vidéo d'un moment émouvant de ses funérailles où un gars faisait un beau gros discours puis que tout le monde applaudit à la fin puis qu'il y a des gros plans sur des filles en train de pleurer. Ça, c'est le fun à revoir après. La technologie, hein. Over and over again. T'as-tu vu comme je pleurais comment à ce moment-là? À l'aide de pleurer fake, elle, moi, je j'avais tellement de la peine quand elle est morte, pis j'aime ça parfois parce que je réalise que j'ai des émotions. le 1, ça serait qu'un an plus tard, quelqu'un veuille faire un souper commémoratif à ma fête, que ça choque et que ce message soit sur mon babillard. Concernant le souper, nous tenons à vous dire que ce dernier est malheureusement annulé. Cependant, nous pensons très fort à Kate qui nous manque à tous. Ça, c'était sur le babillard de mon ami Jason, qui a dû être vraiment content de voir ça sur son Facebook. Sacrément! On a réglé son compte entre le dessert et le fromage, là. Il n'y a aucun problème. J'ai fait un zéro, en fait, puis j'en ai parlé à Evelyne au début de l'émission. D'ailleurs, le truc le plus malaisant par rapport à Facebook et la mort, je pense que c'est de voir dans ta page d'accueil qu'un de tes amis que tu reçois ponctuellement le message « Gardez le contact », écrivez sur le mur. Ben c'est ça, c'est arrivé, en fait, cette semaine à quelqu'un pour vrai. Hein? Ouais, il y a eu un gros article. J'en ai pas parlé cette semaine parce que... gros dossier, puis ça me tentait pas. Mais ouais, c'est arrivé cette semaine, une madame qui a eu le message « Reprenez le contact avec tel ami », puis la personne était morte depuis un an. Mais moi ça m'arrive. J'ai des amis morts dans mes amis Facebook. Puis là, ben là, je pensais que t'allais parler de ça, en fait, quand t'as dit que tu parlerais de Facebook et la mort, mais finalement, c'est ça, c'est pas ça. Mais il y a eu un gros article qui a été écrit. Ah ouais, Y a-tu poursuivre en justice? Suggérer des amis à votre ami mort. C'est ça que je niaisais avec Kate avant l'émission, tu sais. Je vais suggérer mes autres amis morts. C'est quoi? Ah, c'est bon, ah, ça. Ouais, ouais, pour un club de mort. Ça pourrait faire comme une blague que personne le cimetière parler. De Facebook. Ouais. Oh boy! Ouais. Ça existe pas. Ouais, ben c'est ça. En fait, il y a une couple d'adresses hotmail puis tout ça qui sont effacées avec le temps s'il y a personne qui s'en sert pendant tant de temps. Là, ouais, c'est ça. Sûrement que Facebook, ils vont rétablir une espèce de zone de contrôle. Pour Facebook, en tant que tel, la famille a le droit de demander que la page soit fermée ou qu'elle soit juste visible à titre comme une page dans fan, le cimetière de Facebook. Ouais, c'est déjà c'est un petit peu mieux. Là. Ben, c'est que tu pourrais. Tu penses pas comme avoir des contacts amicaux avec cette personne-là. Puis, tu passes pas aussi par la pitié pour attirer l'attention. Là. Non. Tu sais, j'étais un fan, elle a fait des belles choses, correct, là, mais après ça, elle n'en fera plus. Hey, Kate, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Un hybride de Facebook et la mort, ça a l'air d'un livre de Dr. Seuss, là. Green Spam and Boiled Egg, là, pis ces affaires-là. Hey, Bruno, vas-y, pitch tes deux dernières, là. C'est l'excellente cinéma show en arrière. D'accord. Même. Alors, dans le dossier « C'est pas ma job », un blaireau avait été écrasé il y a une semaine sur la route A338 sur la frontière entre Hampshire et Wiltshire. Kevin Mole, un homme d'affaires qui passe par là tous les jours, se demandait quand le pauvre animal serait ramassé. Quelle ne fut pas sa surprise la semaine dernière de voir que les employés de la voirie avaient refait les lignes doubles sur la route, mais avaient décidé de ne pas enlever l'animal, préférant arrêter de peindre les lignes un pied avant l'animal pour recommencer un pied après l'animal. Excellent! Tu veux dire 5$? C'est que le conseil environnemental de Hampshire est responsable de nettoyer les routes et n'a pas pris d'entente avec le conseil municipal de Hampshire responsable de peinturer les routes. L'animal a finalement été enlevé cette semaine et les lignes seront complétées. Parce que là, il faut redéplacer le gros truck au complet. Ouais, c'est ça, mais ça coûtera pas plus cher parce qu'il était payé à la job et t'as pas payé à l'heure. Ah, t'en as-tu un autre? Certains, il va falloir qu'ils retournent pour le compléter. Non, ils sont payés à la job, ils sont pas payés à l'heure. Ben, ça coûte plus cher à l'entreprise. À la compagnie, mais pas aux taxpayers, mettons. L'étudiant en design allemand Fabian Burnsing a conçu un appareil diabolique, le PNSIT, The Private Bench, est un banc de parc couvert de clous rétractables et équipé d'une fente pour mettre de l'argent. Lorsqu'on paye les 0,50€ nécessaires, les clous se rétractent pour un certain temps et une alarme se fait entendre quelques secondes avant que les clous ne ressortent bientôt dans un parc près de chez vous. Oui, parce que le jour où l'alarme va être déficiente, là. Ouais. Tu me niaises-tu? Non, ça niaise pas. Wow. Pourquoi? Pour pas qu'on dorme dessus? Je sais pas. Pour que tu payes pour aller t'asseoir sur le banc? C'est comme des toilettes payantes, là, mais pire. Ah ben, hey, avec des pics, man! Avec des pics. Des pics qui pointent, qui peuvent te rentrer dedans, là? Dans les fesses, ouais. Ben là, si t'es couché, tu peux l'avoir dans l'œil. Tu peux l'avoir dans l'œil, ouais. OK. Ouais. OK. Ouais. Hey! Et puis, j'aimerais juste dire que cette semaine, avant hier, à minuit, je suis allé voir Birdemic Shock and Terror à Fantasia. Et c'était, ma foi, fabuleux. Le réalisateur était présent. Il nous a parlé un peu au début. Il nous a reparlé à la fin. Il y a eu un Q&A avec lui. C'est pas volontaire que ce soit pas bon. Donc, Chénier m'a dit effectivement, grâce aux commentaires, c'était rendu une autre juridiction. Ouais, là. C'est ça. Et c'est un moins 8.5 facile. C'est de la trempe sans être aussi mauvais point de vue technique. Mais point de vue technique, c'est de la trempe de Roger Normandin. C'est mal joué, mal monté. Le son est toujours mauvais. Les transitions entre les scènes sont toujours mal faites. Un chef-d'œuvre. C'est magnifique. Et puis ça prend, je dirais, peut-être 45 minutes avant qu'on voit les premiers oiseaux attaquer des humains. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours con. Ouais, il paraît qu'il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour entre les personnages qui se développe. Puis qui. Moins 8.5, moins... Bruno, je veux pas que tu sois seul face à ça. On va moins l'écouter, je l'ai sur clé USB. Là. C'est bon. Hey, Evelyne, vas-y. Pourquoi ce film-là a été programmé à Fantasia? Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été écrits là-dessus. C'est devenu comme un classique, un cult classique, genre assez vite, assez comme rapidement. The Room, un peu. Ouais, on dirait que c'est comme un The Room de l'horreur. Ouais, un peu. Il y a un gars qui ressemble à Tommy Wiseau. D'ailleurs, il y a un gars qui ressemble à Tommy Wiseau. Et puis, c'est un thriller environnemental romantique. Oh, bon. Donc, c'est un petit peu comme... Tu viens de nous parler de Band Park avec un toll. Hey, c'est un petit peu comme An Inconvenient Truth, là, mais version horreur qui ne gagnera pas d'Oscar. Genre. Israël, est-ce que j'ai le droit de dire à Bruno que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer? Pourquoi que c'est Israël qui décide ça? Non, il y a des gens à me faire une scène. Ah ouais, OK. C'est pas vrai. Hey, ben merci tout le monde d'être là. Moi, je vais lire la dernière partie de mon petit texte sur les excellents porn animés allemands pendant qu'on se dirige tranquillement vers l'aventure au brouhaha. On va aller se taper ça. Il y en a qui vont faire ça à Tadoussac. Il y en a peut-être en France qui vont l'écouter. Je suis désolé, hein, c'est vraiment pas de ma faute. Pendant qu'en background, ça va être autre chose que du Genesis, je vais mettre, bien sûr, le porn animé allemand en question, c'est la séquence où les nains décident d'aller profiter de la madame qui dort, dans le fond. Là. Puis la madame est équipée pour dormir parce qu'elle a les yeux fermés. Et des paupières, ça va bien pour dormir. Quoi qu'en dise Linda Tremblay de la compagnie Linda Tremblay. Donc, grand amateur de musique classique que je suis, je me permets d'emblée de vous faire remarquer que le guitariste s'y connaît dans ses dix dessins animés, surtout au début. Passé ça, on ne l'écoute plus guitariser. Trop pris par les madames, celles qui ont des orifices, et par tout le reste, ceux qui bandent. En fait, en y pensant bien, tout, incluant les arbres, les bébés, les animaux, les poteaux de clôture, les montagnes en arrière-plan, les souliers, les fontaines, les statues, les pans de murs, les maisons, Satan, les chevaux, les boîtes à mâles, tout, soit fourre, soit se fait fourrer, soit fourre en se faisant fourrer. Vraiment, vous allez apprécier le haut degré de savoir-vivre de ces animateurs allemands. Parce que c'est très long de faire de l'animation. C'est très long. On a écrit que c'était de 1989 sur notre site. J'ai de la difficulté à y croire. Je sais pas ça vient d'où, en fait. C'est Predge qui a fait ça, là. On va essayer de le rejoindre en prison. Comme d'habitude, mais un peu plus, vos meilleures armes seront... Voyons donc. Quoi? Comment? Pourquoi? Pas vrai? À qui ça sert? C'est quoi l'idée? Pour quelle raison? Pourquoi? Qui veut voir ça? À quoi ça sert? Tous les sacres aussi. Hein? Saviez-vous que Paten est un sacre? C'est la petite assiette dans laquelle on met les hosties. Alors, libre à vous de l'utiliser, Paten. Bien sûr, vous pouvez lancer des affaires, mais surtout finir par rire. Sinon, s'il y a quelqu'un qui réussit à finir horny à cause de ça, parce qu'au fond, ça doit être ce à quoi ça sert, ça, ben je veux pas le savoir. Ou je veux le savoir. Bon, je sais plus. Ce qui m'amène à la fin de mon speech, puis fatalement au début de l'immondice pour lequel on a voté. J'hésite entre un manque total de fierté et un dégoût douloureusement anticipé pour vous présenter, mesdames et messieurs, l'objet audiovisuel qui suit. En ce lundi soir, à Québec, Tadoussac, Montréal et ailleurs, douteux.org vous fait visiter le fond, mesdames, messieurs. Plus que jamais, si vous avez des questions, on en a, nous aussi. Et puis une petite pensée à Predge, là, qui est là-bas, quelque part. Puis à Étienne Forel, où il fait chaud. On est rendu dans le volet du cochon cowboy avec le hors-la-loi chat horny. Incroyable. On vous revient la semaine prochaine à 70%. N'oubliez pas d'aller voter. www.douteux.org. Eine geile Muschi du hast. Da möchte man ja von morgens bis abends. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit ich dir auch schön einspritzen kann. Ja, schön, sehr gut. Ja, sehr gut. Aber au, tut das weh. Das werde ich ihm heimzahlen, diesem blöden Schwein. Seinen Pimmel will ich über Feuer rösten. Au, tut das weh.